que sa, sa nou fè nan referanse. Masengo. Baba Masengo. Baba Viva. Boutique la Congolaise na Montréal. C'est Georges Docolis à Yaoundé. Chaman de Bundes. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Jean-Marie Mulato, Jackie Mulato, Tippy Top, number numéro uno. Thank you.

Foggy Toro, Papa Océane na Ernest, Motema ya Angela Siki na Hollande, Luzon Polondo na Paka Juma, Eima eso Milito Sugolio. Ah, on a Paris. Tip Kyle et Kimmy Onso. chez José Pongolo, Natif Leka, number one, na Paris, c'est vrai. Les grands, vous tiriez, Koussa Koussa, Koussa Koussa, na Djobo, Johannesburg. Famille Louvengoka, na famille Mbela, alors Boka Belanga atteint un jour. Nganda Moto ya Bolingo, chez Tonto Hakim et Maodile, 57 Ramey, 18e Paris. Luke Boubangi. Policier à dépôt, l'aéroport au Fouet Boigny, Abidjan. Papa, maman, longonya bobali singa, na longoli insoni, na famille Moringa. José Guilit Boitou, na Benin. Ataba beti pipi na mite mama be, zamba zali elonga ko pambola biso. Ok, alléluia, Kembo na Yahweh. Simon de production. Yuya Kroke, ancien combattant. Monsieur Demba, Nathine Liomba. Nathalie likolo na se, Nathalie pembeni na nga, mokili epesi nga mokongo, kosala soba te. Ekozwaka moto nyama te, wana ezali selamu, ebali kolimwa nga, lokola molinga. C'est Lili na yoye na bimi mwete zana no elenge kosa la sonite zongi sela na bolingo ambute a jochi vundu lovis katumba vance dudu ki na Canada. Gente mbana tide liomba te Mwana mwa maimale kaka Na ekwe bisayo lelo Natali likolo nanse Natali pemeni nanga Namoni yoko seke Kosa la solite Kozwaka moto nyama te Wana ezali selamu Ebani koli mwanga Lokola molinga Ye ye ye ye Mesye temba o Nasala se se selilina yoye Na bimi mwe te Nazana no elenge Kosala sonite Banda RDV na Genève Elvis Moibanda Ah na Genève Papa na mwana Balobio kei mobembo Yangwe komi motako Bisona banana nzala Esanga Esanga esikiepe Papa simba ngano kina Ya banza kanga e bayo zali sembadi papa simba ngano kina kukwe ya lomas na kioke na mbembo nga wa kongi etate ese mwebo ya nzota nangai susi eto nga imeble na mote mananga kole la ya zonzo ma miso ebi makateo dede mula majoni ngombo d'origine antoba jake alfambia mangwende Joseph Kusaga, number one, la vie sola, sola la vie. Thank you. Champion

Scal de Gênes. Y'a Néné de Lausanne, Scal de Gênes. Moyato. Mamboli. Thank you. libanda papa oh, oh, oh. Toko mako kelela papa toko mako kelela mo fraternel Roche ma banda bako ma kocho la ye Jampi ma banda bako ma kocho la ye Ope sambote na papa ifo ma banda Sambote na sele malemo kadifwama Lisusu mbote na Rafael disundie Marie Jeanne seka Laurentine Bamba Do senina ya repose en paix de soi General Campo. Chance, à Salagnoso, Sali table ronde, va décider de kabana, on y met. Meli bango o sede ya gabie na motema bolingo sila kite bilei na ngaya sukali ya komi ngai c'est pas la première fois ekoza la sukate na kokanga motema po elika kanango monyolo loyo kanginga rankingo po yo kikolela na nga okangilizita pasi ya meme esukaka na motema pasi na nga reve ya sureniwe mama chéri mon guita Jacques Bazo passa les tables rondes ba décidé to kabona sebani on dit meli bango o cede sebani na motema bolingo sila kite bile na ngaya sukali e komi ngai c'est pas la première fois e koza la sukate na kokanga motema po elekaka nango monyololo yo okangi ngala kingo po yoki kolela na nga okangi lizita pasi ya meme esukaka na motema pasi na nga reve ya suemiwe Clara de Bruxelles Emile Grand Nacon